Chapitre 19e. La locomotive, fort heureusement pour Rico Teruka, était en pression. Elle fila aussitôt à une allure folle, tandis que les Chinois, restés sur le quai, hurlaient de toute leur force, mais vainement. Rico Teruka, qui s'était penché hors du temps d'air pour voir ce qui se passait, put constater que l'infernal Heng bondissait vers le wagon de queue et, au risque de se jeter sous les roues du train, réussissait à sauter sur le marchepied. « Après tout, il a bien fait, » murmura le grand détective. « Je vais pouvoir ainsi m'emparer de lui, et nous aurons ainsi l'explication de ce qui s'est passé dans toute cette affaire. » Rico Teruka saisit une pelle, et ayant ouvert la porte du fourneau de la locomotive, y engouffra des morceaux de charbon jusqu'à ce qu'il fût bourré jusqu'à la gueule. « Avec cela, j'ai une demi-heure devant moi. Profitons-en, » murmura le grand détective. Il examina le manomètre, la soupape de sûreté, l'indicateur des tours de roue, et sut ainsi que le convoi filait maintenant à plus de 80 km à l'heure. Il allait se disposer à regagner son wagon lorsqu'un cri le fit sursauter. Il se pencha en dehors de la machine, et la clarté de la lune eut le temps de voir un Chinois qui rampait le long du marchepied du fourgon accroché derrière le tender, perdre l'équilibre et s'abattre sur la voie. Et ce Chinois n'était pas seul. D'autres célestes arrivaient rampant le long des marchepieds. Rico Teruka bondit vers le flanc opposé de la locomotive et s'aperçut que de chaque côté du train, des célestes arrivaient. Leur but était évidemment d'atteindre la locomotive et de se saisir de lui. Malgré sa force et son énergie, Rico Teruka, pris entre deux feux, ne pourrait résister et serait tué ou capturé. Cela, jamais. Il regarda autour de lui et eut vite trouvé l'arme qu'il lui fallait pour venir à bout de ses ennemis. Comme on le sait, sur les grandes distances, les locomotives ont besoin d'être décrassées. Le chauffeur ouvre le fourneau, et avec un outil appelé ringard, il brise les morceaux de mâchefer provenant de la combustion du charbon, lequel, en s'accumulant sur la grille et en s'incrustant entre ses barreaux, empêche de circuler l'air nécessaire à la combustion. Ces morceaux de mâchefer incandescents sont tirés hors du fourneau et immédiatement éteints au moyen d'un jet d'eau bouillante provenant de la chaudière. Il n'y a pour cela qu'à ouvrir un robinet. Rico Teruka saisit l'extrémité du tuyau de toile terminé par une lance de cuivre garnie d'ébonite et servant à éteindre les morceaux de mâchefer. Il en dirigea l'extrémité sur les Chinois qui déjà escaladaient le tender et ouvrit le robinet. Un terrible jet d'eau bouillante mélangée de vapeur jaillit de la lance de cuivre, brûlant affreusement les célestes qui arrivaient. Des hurlements épouvantables retentirent. Les Chinois, brûlés vifs, fous de terreur, sautèrent hors du train. La plupart roulèrent sous les roues. Les rares survivants s'empressèrent de faire demi-tour et de s'éloigner au plus vite vers l'arrière du train. Mais Rico Teruka ne leur en laissa pas le loisir. Étant grimpé sur le charbon emplissant le tender, il dirigea sur les fuyards le jet mortel de sa lance. Les misérables Chinois tombèrent comme des mouches. Seuls Heng et deux de ses acolytes, qui prudemment étaient restés en arrière, réussirent à échapper au jet de vapeur. Rico Teruka referma le robinet et après avoir engouffré quelques nouvelles pelletées de charbon dans le foyer de la locomotive, se disposa à en finir avec les bandits. Car il comprenait bien qu'il ne serait en sûreté que quand il se serait emparé de Heng. Le train, maintenant, roulait à une allure vertigineuse, passant devant les gares comme un boulet de canon. Malgré le péril, Rico Teruka se mit à la recherche de Heng. Il escalada le tender, passa par-dessus les tampons et les barres d'attelage, et atteignit ainsi le wagon où il avait laissé Chofu et le mandarin Tansui. Chofu était toujours dans le compartiment, mais mort. On l'avait étranglé. Quant au mandarin, il avait disparu. Rico Teruka ne s'émut pas. Il ne s'émouvait jamais. Il continua à fouiller les autres compartiments. Ils étaient vides. Mais, arrivé à l'avant-dernier wagon, il comprit tout en apercevant Heng à cheval sur un des tampons qui s'efforçait de dévisser la barre d'attelage unissant le dernier wagon au reste du convoi. Or, c'était dans ce wagon qu'étaient renfermées les caisses d'argent volées par les bandits. Si Heng réussissait son coup, Rico Teruka aurait peiné et souffert en vain. Le grand détective sentit son sang bouillonner à cette idée. Au risque d'être précipité sous les roues, il bondit vers Heng.